Chapitre 5e. Un nouveau candidat aux honneurs ecclésiastiques. La maladie du doyen causa un grand émoi dans d'autres endroits que sa propre maison et la bibliothèque, et l'idée qui s'était présentée à l'esprit du petit chanoine maigre relativement à M. Slope se présenta à un autre esprit que le sien. L'évêque était assis inoccupé dans son cabinet quand la nouvelle de la maladie du doyen lui arriva. Elle lui fut apportée par M. Slope, qui, naturellement, ne fut pas le dernier à l'apprendre. Elle atteignit bientôt aussi les oreilles de Mrs. Proudie. On peut supposer que les relations n'étaient plus amicales entre ces deux ribauds, qui prétendaient l'un et l'autre imposer leur autorité à l'évêque. Dans le fait, quoique vivant dans la même maison, ils ne s'étaient pas rencontrés depuis l'entrevue orageuse de la veille dans le cabinet du docteur Proudie. Dans cette occasion, Mrs. Proudie avait été battue. Que le prestige de tant de succès antérieurs lui ait été ravi, c'était un souci cuisant pour la dame belliqueuse. Mais, bien que battue, elle n'était pas accablée. Elle sentait qu'elle pourrait reconquérir le terrain perdu, qu'elle pourrait faire rentrer M. Slope dans la poussière d'où elle l'avait tiré, et contraindre son seigneur et maître, coupable de rébellion, à faire amende honorable. Dans ce jour mémorable, l'évêque l'avait emporté et avait commencé à croire que ses jours d'esclavage étaient comptés. Quand Mrs. Proudie avait fermé la porte avec fracas, il s'était senti pour la première fois évêque, personnellement évêque. À vrai dire, la leçon qu'il avait reçue ensuite de son chapelain avait quelque peu rabattu sa fierté. Mais en somme, il était pleinement satisfait de lui-même et il se flattait que le plus mauvais moment était passé. « Il n'y a que le premier pas qui coûte », se disait-il. Et maintenant que le premier pas avait été victorieusement franchi, les autres lui seraient bien aisés. Il se retrouva naturellement avec sa femme à dîner. Aucune parole ne fut prononcée qui pût jeter une ombre sur son bonheur. Il était protégé par la présence de ses filles et des domestiques. Il fit une ou deux observations insignifiantes au sujet de sa visite projetée à l'archevêque, afin de bien montrer que son intention de la faire était formellement arrêtée. Et les domestiques même, remarquant le changement, reportèrent sur leur maître un peu du respect qu'ils montraient à leur maîtresse. Le maître s'en aperçut, la maîtresse ne le vit pas moins, mais elle attendait son temps. Après le dîner, l'évêque retourna dans son cabinet, où M. Slope vint bientôt le retrouver. Ils prirent le thé ensemble et formèrent divers projets. Pendant quelques minutes, l'évêque fut réellement heureux, mais quand la pendule l'avertit que les heures silencieuses de la nuit approchaient, quand il regarda son flambeau en se disant que le moment était venu de le prendre, il sentit son cœur défaillir. Il était comme ces esprits dont le pouvoir de parcourir les airs cesse au chant du coq. Ou plutôt, il était le contraire de ces esprits, car jusqu'au chant du coq, il allait être esclave. Et encore serait-ce là le terme de sa suggestion? Était-il assuré de descendre au déjeuner le lendemain, libre de vouloir et d'agir? Il était une heure plus tard que d'habitude quand il se leva pour aller reposer. Reposer. Quel repos! Il prit deux verres de sherry et monta l'escalier. Nous ne le suivrons pas plus loin. Il est des scènes que ni le romancier, ni l'historien, ni même le poète ne peut tenter de représenter. Ce qui se passa entre le docteur Proudie et sa femme se passa entre eux seuls. Le lendemain matin, il descendit triste et pensif. Il semblait être diminué dans sa personne, maigri même, et je ne sais si ses cheveux gris n'étaient pas devenus plus sensiblement gris encore qu'ils ne l'étaient le soir précédent. Certainement, il paraissait plus âgé. Il déjeuna seul. Mrs. Proudie, indisposée, prit son café dans sa chambre et ses filles restèrent avec elle. L'évêque déjeuna donc seul, puis, sachant à peine ce qu'il faisait, il alla s'asseoir dans son fauteuil, dans son cabinet. Il essaya de se consoler par la pensée de sa visite prochaine à l'archevêque. Au moins était-ce là un résultat définitivement acquis de l'énergie qu'il avait montrée. Mais maintenant qu'il le tenait, il l'appréciait moins. C'était l'ambition qui l'avait poussé à désirer occuper sa place à la table de l'archevêque, et en ce moment, l'ambition était morte dans son cœur. Il était assis dans ses dispositions quand M. Slope entra, agité, hors d'haleine. « Mylord, le doyen est mort. »« Dieu du ciel !» s'écrie l'évêque, tiré de son abattement par une nouvelle si triste et si soudaine. « S'il n'est pas mort, il se meurt. Il a eu une attaque d'apoplexie. et l'on me dit qu'il n'y a plus d'espoir. En vérité, je ne doute pas qu'il n'existe plus à cette heure. » La sonnette tirée, les domestiques furent envoyés immédiatement aux nouvelles. Dans la matinée, l'évêque, appuyé sur le bras de son chapelain, se présenta lui-même à la porte de la maison du doyen. Mrs. Proudie envoya à Miss Trefoil toutes sortes d'offres d'assistance. Les Mrs. Proudie envoyèrent aussi, et les témoignages d'une vive sympathie se succédèrent sans interruption du palais à l'habitation du malade. À toutes les questions, la réponse fut invariablement celle-ci. Le doyen était dans le même état et Sir Omicron Pie était attendu par le train de 9h15 du soir. Et alors M. Slope commença à se demander, comme d'autres l'avaient fait, qui pourrait bien être le nouveau doyen. Et il eut la pensée que d'autres s'y avaient eu, qu'il ne serait pas impossible qu'il fût lui-même le nouveau doyen. Puis la question des 1200 livres ou des 1500 livres ou des 2000 livres occupa quelques instants son esprit, comme elle avait occupé l'esprit d'autres prêtres dans la bibliothèque de la cathédrale. Que ce fût 2000 livres ou 1500 ou 1200 livres, ce serait dans tous les cas une bonne aubaine pour lui s'il pouvait obtenir la place. Et il en éprouverait plus de satisfaction encore dans son ambition que dans sa cupidité. Combien il serait glorieux pour lui d'avoir le pas sur l'archidiacre, de siéger au-dessus des dignitaires et des chanoines, de pouvoir disposer de la chaire et ordonner tous les offices dans la cathédrale. Mais il était plus facile de désirer tant d'avantages que de les obtenir. Néanmoins, M. Slope n'était pas sans quelque moyen de seconder ses vues, et il ne laissa pas l'herbe pousser sous ses pieds. D'abord il pensa, et avec quelque fondement, qu'il pouvait compter sur l'aide de l'évêque. Il changea immédiatement ses batteries relativement à son patron. Il résolut, s'il devenait doyen, de replacer sa seigneurie sous l'autorité de sa femme, et pensa que sa seigneurie ne serait pas fâchée de se débarrasser de l'un de ses deux mentors. M. Slope avait aussi pris soin de se faire connaître de quelques personnages influents. Il y avait un certain Sir Nicholas Fitzwiggin, président de la commission des écoles, que l'on présumait être alors tout à fait dans les bonnes grâces des gros bonnets du gouvernement. M. Slope entretenait avec lui une correspondance intime. Il pensa pouvoir s'adresser à lui, persuadé que si Sir Nicholas voulait agir pour lui, il n'aurait qu'à demander la place pour l'obtenir. Il avait aussi, ou du moins il se flattait d'avoir la presse à sa discrétion. Le Jupiter, journal quotidien, avait pris nettement son parti dans ses polémiques avec M. Arabin. Il avait eu plus d'une entrevue avec un gentleman qui, s'il n'était pas l'éditeur du journal, n'en avait pas moins d'influence dans la rédaction. De longue date, M. Slope avait eu l'habitude de lui écrire des lettres où il critiquait tous les abus ecclésiastiques. Il les signait de ses initiales et les envoyait à son ami avec des notes particulières signées de son nom. Dans le fait, lui et M. Towers, c'était le nom du journaliste important avec lequel il était en relation, étaient généralement fort aimables l'un pour l'autre. Il résolut de lui faire savoir sans retard qu'il était candidat à la place qui allait devenir vacante. Plus d'un emploi avait déjà été conféré en conformité avec l'avis exprimé au gouvernement dans les colonnes du Jupiter. Mais il fallait d'abord que M. Slope s'assure à l'appui de l'évêque, et qu'il le fît avant la visite projetée à l'archevêque. C'était un bonheur providentiel que le doyen fût tombé malade à ce moment. Si le docteur Proudie pouvait être amené à s'intéresser au succès de M. Slope, il pourrait agir efficacement pendant son séjour au palais archiépiscopal. Cette pensée détermina M. Slope à sonder l'évêque cet après-midi même. Celui-ci devait partir pour Londres le lendemain matin. Il n'avait plus un moment à perdre. Il se rendit au cabinet de l'évêque vers 5 heures et l'y trouva assis seul. Peut-être était-il ainsi immobile depuis qu'il était revenu de chez le doyen. Il portait sur son visage un air de morne abattement. Il ne faisait rien, ne lisait rien, ne pensait à rien, et avait le regard vague quand M. Slope, pour la seconde fois ce jour-là, entra dans la pièce. « Eh bien, Slope, qu'y a-t-il » dit-il avec quelque impatience. « Car, à dire vrai, il ne désirait pas avoir de fréquents entretiens avec M. Slope dans les circonstances difficiles où il se trouvait. « Votre seigneurie apprendra avec peine qu'il ne se manifeste aucun mieux dans l'état du pauvre doyen. »« Oh, oh, non, vraiment, le pauvre homme. Oui, j'en éprouve beaucoup de peine. Sir Omicron n'est pas encore arrivé, je suppose ?»« Non, il n'arrive que ce soir par le train de 9h15. » Je m'étonne qu'on n'ait pas demandé un train spécial. Le docteur Trefoil est très riche. Très riche, je crois, dit M. Slope. Mais la vérité est que tous les médecins de Londres ne peuvent rien faire, rien que de montrer par leur présence que tous les moyens ont été employés. Le docteur Trefoil ne sera plus longtemps de ce monde, my lord. Je le crains, je le crains. Ses meilleurs amis ne lui souhaiteraient pas d'ailleurs de survivre à ce coup, sans effet de son intelligence. Pauvre homme, pauvre homme, dit l'évêque. Ce sera pour votre seigneurie une grosse affaire que de pourvoir à son remplacement, dit M. Slope. Ce serait un grand point que vous puissiez conférer cette position à un homme qui partagea vos idées. Le parti qui nous est hostile est puissant, trop puissant à Barchester. Oui, oui. Si le pauvre docteur Trefoil s'en va, ce sera une grosse affaire que de faire un bon choix. Il est de toute nécessité que votre seigneurie ait là un homme sur la coopération duquel elle puisse compter. Songez aux embarras que nous causerait la nomination du docteur Grantly ou du docteur Hendry ou de tel autre ayant les mêmes opinions. Il n'est pas probable que Lord X la fasse en faveur d'un prêtre de cette école. Non, ce n'est pas possible. De puissantes influences vont être mises en jeu. Si j'osais donner un avis à votre seigneurie, ce serait de conférer sur cette matière avec sa grâce la semaine prochaine. Je ne doute pas que vos désirs, appuyés par sa grâce, ne trouve satisfaction auprès de Lord X. Je n'en sais trop rien. Lord X a toujours été très aimable pour moi, mais je n'aime guère à me mêler de ces sortes d'affaires, à moins qu'on ne m'y sollicite, et si dans le moment on me demandait un avis, je ne sais qui je recommanderais. M. Slope lui-même se sentit en cet instant fort embarrassé. Comment formuler sa petite requête en termes suffisamment modestes? Il s'était avoué à lui-même que la témérité de sa demande causerait à l'évêque une première impression désagréable, et la difficulté était de corriger au plus vite cette impression par une éloquence adroite. « Je ne savais, dit-il, si votre seigneurie avait quelqu'un en vue. C'est ce qui m'a déterminé à prendre la liberté de lui soumettre une idée que j'ai eue. Si le pauvre docteur Trefoil doit s'en aller, je ne vois vraiment pas pourquoi, avec l'assistance de votre seigneurie, je ne pourrais pas, moi, obtenir cette position. Vous ? S'écria l'évêque, d'un ton que M. Slope ne pouvait trouver précisément flatteur pour lui. La glace était rompue. M. Slope donna carrière à son éloquence. Oui, j'ai pensé à prétendre au décanat. Si votre seigneurie veut agir d'une façon puissante auprès de l'archevêque, je ne doute pas de mon succès. Je suis, vous le voyez, le premier à poser ma candidature, ce qui est déjà un grand point. Puis, je puis compter sur l'appui de la presse. Mon nom est connu assez avantageusement, j'ose le dire, à cette portion de la presse dont l'influence est grande auprès du gouvernement. Et dans le gouvernement même, j'ai des amis. Néanmoins, my lord, c'est votre assistance que je désire avant tout. C'est de vos mains surtout que je voudrais recevoir cette faveur. L'évêque resta quelque temps muet d'étonnement. Monsieur Slope, doyen de Barchester. Jamais semblable idée ne lui serait venue spontanément. D'abord, il se demanda pour quelle raison, à quel titre, M. Slope serait doyen de Barchester. Mais peu à peu, ses pensées changèrent de direction, et il commença à se demander pourquoi. Pour quelle raison M. Slope ne serait pas doyen de Barchester? Pour ce qui était de lui-même, il pouvait parfaitement se passer des services de son chapelain. L'idée de faire de M. Slope une sorte de contrepoids à sa femme s'était déjà presque évanoui. Il en avait reconnu l'inutilité. S'il avait pu dormir dans la chambre à coucher de son chapelain et non dans celle de sa femme, cette tactique eût présenté quelques chances de succès, mais... Et tandis que M. Slope parlait encore, l'évêque arrivait à admettre que rien n'empêchait vraiment ce gentleman de devenir doyen de Barchester. Ce n'était pas qu'il fût persuadé par l'éloquence de M. Slope, car il ne suivait pas ses développements, mais seulement sa propre pensée. « Je n'ai pas besoin de dire, continua M. Slope, que mon plus vif désir serait, en tout ce qui toucherait la cathédrale, d'agir le plus possible en conformité avec vos vues. Je connais si bien votre seigneurie, et j'espère qu'elle me connaît assez pour ne pas douter de mes sentiments, que j'ai la conviction de pouvoir, une fois revêtu de cette dignité, vous rendre l'administration du diocèse plus facile et étendre la sphère de votre influence. Comme je vous l'ai déjà dit, il est très désirable que les dignitaires d'un diocèse soient en communauté d'opinion. Je ne sais trop si j'accepterais cette place dans un diocèse où je devrais être en divergence d'idées avec l'évêque. Dans le cas présent, il y aurait entre nous une bien douce conformité d'opinion. » Monsieur Slope voyait très bien que l'évêque n'écoutait pas un mot de ce qu'il disait, mais il n'en continuait pas moins de parler. Il devait lui laisser le temps de se remettre de sa surprise et lui donner le moyen de paraître se rendre à des arguments convaincants. Il poursuivit donc et allégua une foule de raisons tendant toutes à montrer qu'il était l'homme du monde le plus propre à devenir doyen de Barchester, que le gouvernement et le public éprouvaient le désir commun de voir M. Slope doyen de Barchester, que pour de hautes raisons de politique ecclésiastique, il serait bon que ce bénéfice fût conféré par l'intermédiaire de l'évêque du diocèse. « Mais réellement, je ne vois pas ce que je puis faire, » dit l'évêque. « Si vous vouliez en parler à l'archevêque, si vous pouviez dire à sa grâce que vous considérez cette nomination comme très désirable, que vous l'avez à cœur comme un moyen de mettre fin à l'antagonisme qui règne dans votre clergé, si vous montriez votre énergie habituelle, vous n'auriez sans doute aucune difficulté à obtenir de sa grâce la promesse qu'elle en parlera à Lord X. Naturellement, vous laisseriez comprendre à l'archevêque que je ne compte pas sur sa seule intervention, que vous ne lui demandez pas absolument de solliciter ma nomination comme une faveur, que vous croyez que je pourrais l'obtenir par d'autres influences, mais que vous seriez heureux de voir sa grâce exprimer à Lord X la satisfaction que lui causerait ce choix. » En somme, l'évêque finit par promettre ce qu'on lui demandait, mais ce ne fut pas sans avoir fait une stipulation en sa faveur. « Et l'hospice ? » dit-il au milieu de la conférence. « Je n'ai jamais eu tant de soucis de ma vie, ce qui était vrai. Vous n'avez pas parlé à M. Harding depuis que je vous ai vu ?» M. Slope affirma que non. « Eh bien alors, je pense qu'il vaut mieux donner la place à Quiverful. On la lui a presque promise. Il a une nombreuse famille et est très pauvre. » « Mais, my lord, » dit M. Slope, ne perdant pas de vue l'intérêt qu'il avait dans l'affaire, et se souvenant qu'il était imprudent de renoncer à la suprématie qu'il s'était naguère assurée sur Mrs. Proudie, pour le cas où il échouerait dans l'affaire du décanat, « Mais, my lord, je crains réellement... « Souvenez-vous, M. Slope, » dit l'évêque, « que je ne puis vous donner aucun espoir dans cette affaire de succession. Je parlerai certainement à l'archevêque, comme vous le désirez, mais je ne puis croire... « Tout bien considéré, my lord, » dit M. Slope, interrompant l'évêque à son tour, car il comprenait bien la pensée de son patron. « Peut-être votre seigneurie a-t-elle raison relativement à M. Quiverful. Je crois pouvoir arranger facilement l'affaire avec M. Hardin, et je vais préparer la nomination pour la soumettre à votre signature. » « Oui, Slope, c'est ce qui vaut le mieux, je crois, et vous pouvez être assuré que je ferai le possible pour seconder vos vues. » Et ils se séparèrent. M. Slope avait à ce moment beaucoup d'affaires sur les bras. Il devait faire à la signora sa visite quotidienne. La plus vulgaire prudence aurait dû le détourner de l'affaire, en ce moment au moins. Mais la passion l'aveuglait. La prudence vulgaire n'existait plus chez lui. Il décida donc qu'il prendrait le thé chez les Stanhope, et décida aussi, ou crut décider, que ce serait là sa dernière visite. Il avait aussi arrangé les choses avec Mrs. Bold. Il pensait qu'Eleanor ferait l'ornement d'une résidence de doyen aussi bien que d'un cottage de chapelain. Et il pensait encore que la fortune d'Eleanor compenserait la diminution apportée par la commission aux revenus du doyen. Touchant Mrs. Bold, ses espérances avaient pris un nouvel essor. M. Slope était du nombre de ces amoureux qui croient qu'en amour tous les moyens sont permis. Il ne s'était pas privé de faire appel aux bons offices de la femme de chambre d'Eleanor. Il avait appris d'elle une partie de ce qui s'était passé à Plumstead, mais non avec une exactitude absolue, car la femme de chambre n'avait ni tout vu ni tout entendu. Elle lui avait dit que l'archidiacre, Mrs. Grantly, M. Harding et M. Arabin s'étaient tous querellés avec Madame parce qu'elle avait reçu une lettre de M. Slope, que Madame avait positivement refusé de laisser lire la lettre, que l'archidiacre lui avait ordonné de choisir entre M. Slope avec sa lettre et la société de Plumstead, que Madame avait déclaré avec indignation qu'elle se souciait de la société de Plumstead comme d'un fétu et que pour aucun de ceux qui lui cherchaient de si misérables chicanes, elle n'abandonnerait M. Slope. Il y avait là-dedans une grande part de vérité et le retour soudain d'Eleanor confirmait la vraisemblance de ces informations. Aussi, M. Slope se croyait-il autorisé à penser que la belle veuve accepterait probablement sa proposition. Mais cette proposition même, il fallait la faire, et cela avant que la nouvelle de la nomination de M. Quiverful à l'hospice se répandît. Dans sa lettre à Eleanor, il avait déclaré formellement que M. Harding aurait la place. Il serait difficile d'expliquer ce revirement. S'il écrivait à Eleanor une nouvelle lettre, dans laquelle il dirait la vérité et rejetterait tout le blâme sur l'évêque, cette lettre lui ferait du tort en montrant que son influence était loin d'être toute puissante. Il résolut donc de laisser la chose se divulguer d'elle-même et aller sans retard se jeter aux pieds de Mrs. Bold. Et puis, il avait à solliciter l'appui de Sir Nicholas Fitzwiggin et de M. Towers. En quittant l'évêque, il alla composer ses lettres à ces deux messieurs. Confidentiel, Palais de Barchester, septembre 1850 et quelques. Cher Sir Nicholas, j'espère que nos relations antérieures vous empêcheront de regarder la présente démarche comme indiscrète. Je ne suppose pas que vous ayez pu apprendre déjà que le pauvre docteur Trefoil a eu une attaque d'apoplexie. Tout Barchester en est attristé. C'était un excellent homme et un excellent prêtre. Mais il est chargé d'années et n'avait sans doute plus longtemps à vivre. Vous l'avez probablement connu. Il n'y a guère d'espoir qu'il guérisse. Sir Omicron Pie est près de lui en ce moment. Les médecins d'ici ont déclaré que 2 jours au plus serait le terme de sa carrière mortelle. J'ai la sincère confiance que son âme prendra son vol vers le port où elle ne connaîtra plus que le repos et le bonheur. L'évêque m'a parlé de sa succession. Il désire qu'elle me soit donnée. J'avoue que j'osais à peine à mon âge élever mes espérances jusqu'à une si haute dignité, mais les encouragements de l'évêque ont triomphé de mes hésitations. Sa seigneurie part demain pour X avec l'intention de soumettre la chose à l'archevêque. Je sais quelle est votre légitime influence auprès du gouvernement actuel. En toute matière concernant l'Église, vous serez naturellement écouté. Maintenant que l'on a fait entrer cette idée dans mon esprit, je suis devenu, je l'avoue, désireux du succès. Si vous pouvez me donner l'appui de votre recommandation, vous ajouterez une nouvelle faveur à celle que j'ai reçue déjà de vous. Je dois ajouter que Lord X ne peut encore avoir connaissance de la nomination à faire. Je dis nomination à faire, car le pauvre docteur Trefoil est irrémédiablement perdu. Si Lord X en recevait de vous le premier avis, vous seriez sans doute autorisé à lui exprimer en même temps votre opinion. Naturellement, notre plus cher désir doit être qu'il n'y ait dans l'Église qu'une opinion dans les matières ecclésiastiques. À Barchester surtout, cette concorde des esprits serait désirable, et notre bon évêque serait heureux de l'y voir enfin régner. Peut-être jugerez-vous utile de faire valoir cette considération auprès de Lord X, si vous croyez pouvoir m'obliger en entretenant sa seigneurie de cette affaire. Croyez-moi, cher Sir Nicholas, votre très dévoué serviteur, Obadiah Slope. La lettre à Towers fut écrite d'un autre style. Pour Sir Nicholas Fitzwiggin, il suffisait de quelques banalités sentimentales écrites au courant de la plume. Mais à M. Towers, il n'était pas facile d'écrire une lettre pressante en même temps que discrète. Flatter le docteur Proudie ou Sir Nicholas Fitzwiggin était la chose la plus aisée du monde. Mais pour M. Towers, il fallait le flatter sans que l'intention de flatter se trahît. De plus, la lettre devait, en apparence au moins, être écrite d'abondance, sans effort, sans contrainte, et ne laissait supposer chez son auteur ni hésitation ni appréhension. Aussi la lettre à M. Towers fut-elle étudiée, recopiée, écouta tant de temps que M. Slope eut à peine le temps de s'habiller et d'aller ce soir-là chez le docteur Stanhope. Voici cette lettre. Confidentiel, Barchester, septembre 1850 et quelques. M. Slope omit à dessein le mot palais, pensant qu'il ne plaisait pas à M. Towers. Mon cher monsieur, ça a été pour nous un coup douloureux d'apprendre ce matin que le pauvre vieux doyen Trefoil venait d'être frappé d'apoplexie. L'attaque a eu lieu vers 9 heures du matin. J'écris avant le courrier. Il respire encore, mais on considère comme impossible qu'il vive. Sir Omicron Pie est ici ou arrivera bientôt. Mais tout ce qu'il pourra faire sera de confirmer le pronostic de ses confrères de Barchester. La vie terrestre du docteur Trefoil est terminée. Je ne sais si vous l'avez connu. C'était un homme bon, tranquille, charitable, de l'ancienne école naturellement, car il avait plus de 70 ans. mais je ne vous écris pas seulement pour vous envoyer une nouvelle que l'un de vos reporters vous aura sans doute fait connaître déjà. Je vous écris, comme vous avez l'habitude de le faire vous-même, en portant mes pensées sur l'avenir plutôt que sur le passé. On parle déjà de la succession du docteur Trefoil, et parmi ceux que l'on cite comme pouvant la recevoir, le nom de votre humble serviteur n'est pas, je crois, le moins souvent mentionné. En un mot, je pose ma candidature au décanat. Vous savez probablement que depuis l'entrée en fonction du docteur Prowdy dans le diocèse, j'ai montré toute l'activité que j'ai pu, et je puis le dire, avec quelques succès. Nous sommes, lui et moi, presque toujours de la même opinion sur les points de doctrine comme sur les questions de discipline ecclésiastique. Au siège, comme son chapelain, l'examen de nombreuses et importantes affaires. Mais j'avoue que j'ai une ambition plus haute que celle de rester le chapelain de quelque prélat que ce soit. Notre évêque désire vivement mon succès. Dans le fait, il part demain pour recommander chaudement ma candidature à l'archevêque. Je crois aussi pouvoir compter sur l'appui d'au moins un des membres influents du gouvernement. Mais j'avoue que celui du Jupiter, si l'on me jugeait digne de l'avoir, me satisferait plus que tout autre, qu'il m'apportât ou non le succès. Le moment est venu où aucun gouvernement n'oserait porter de défi à la presse, par des nominations non justifiées ou aux emplois ecclésiastiques. Le temps n'est plus où il n'y avait de place dans l'épiscopat et dans les décanats que pour des nobles. Tout prêtre, si humble que soit sa naissance, peut maintenant aspirer aux dignités si son activité, son talent, son caractère attirent sur lui l'estime et la considération publique. En ce moment, nous savons tous que les avis donnés par le Jupiter, en matière de nomination, sont du plus grand poids et sont, dans le fait, généralement suivis. Nous sentons aussi, je parle des prêtres de mon âge et de ma position, qu'il doit en être ainsi. Il ne saurait être de protecteur plus désintéressé que le Jupiter, aucun qui comprenne mieux les besoins et les aspirations du peuple. Vous ne me soupçonnerez pas, j'en suis certain, de vous demander un appui que le journal auquel vous êtes attaché ne pourrait me donner qu'en faisant violence à ses opinions. Mon objet en vous écrivant est de vous faire savoir que je suis candidat au décanat. À vous de voir si vous pouvez ou non soutenir mes prétentions. Naturellement, je ne vous aurais pas écrit si je n'avais pas cru, et j'ai de bonnes raisons pour le croire, que le Jupiter approuve ma manière de voir dans les questions d'administration ecclésiastique. L'évêque craint que je ne sois jugé trop jeune, n'ayant que 36 ans pour occuper le poste. Je ne pense pas que jusqu'à présent l'âge ait causé la moindre hésitation dans les choix faits. Le public n'a plus, comme autrefois, l'amour des serviteurs hors d'âge. Si un homme doit jamais être apte à rendre de bons services, c'est bien à l'âge de 36 ans. Croyez-moi votre tout dévoué, Obadiah Slope. T. Towers, Esquire, Court Middle Temple. M. Slope mit sa lettre à la poste et passa le reste de la soirée au pied de son adoré. On ne trouvera pas que M. Slope ait été dans ses lettres un modèle de sincérité. S'il parlait de son âge, c'était qu'il croyait en effet qu'il était trop jeune. Il ne pouvait compter aussi positivement sur l'appui de l'évêque et sur celui du journal. Il ne pensait pas que l'évêque allât à X pour recommander chaudement sa candidature. Il faut reconnaître qu'en tout cela, M. Slope montait autant qu'il lui était possible de le faire. Cependant, que ceux qui manient les affaires publiques se demandent s'il altère la vérité plus que ne le font les hommes dans les occasions où leur intérêt est en jeu. Nous autres Anglais, nous haïssons le mensonge. Mais combien rarement il arrive qu'un homme public ajoute foi aux paroles d'un autre ?